Petite barrette nacrée. De petites barrettes nacrées, dans les cheveux d'Hortense couleur de jais, font une touche de beauté incarnée. Une fleur de soie rouge vient se glisser dans ses cheveux afin d'accessoirement compléter la belle coiffure si savamment élaborée par les doigts gracieux d'Hortense, dont l'annulaire est paré d'une délicate bague surmontée d'une pierre étincelante couleur verprée. Tel est le portrait d'Hortense, beauté de la lumière. Et ses petites barrettes nacrées, venant du fin fond de l'océan, semblent nous murmurer « Allez, venez, nous trépignons depuis tant d'années pour orner les coiffures raffinées de ces dames embaumant l'orchidée. » Lily Bégonia.